Ça y est, c'est en transmission là maintenant. La. Ça marche moi, pas. Tu m'entends? Est-ce que moi tu J'ouvre m'entends pas. déjà? Je vais envoyer une batterie. Ouais, non, je peux pas en fait. Oh, c'est Ouais, chiant. mais ton micro là, tu l'as pas sélectionné ton micro. Ah, là Non, c'est bien parce que j'entends ton cette micro. histoire de décalage, c'est pas possible, quoi. Voilà, là j'entends très bien là. Bah, j'ai T'entends quoi? entendu ta voix et après un son de ton piano. Ah, t'as entendu le piano quand même? Ah, t'as entendu le piano quand même? Si, j'entends là ta voix. Bon, d'accord. Ben si, tu peux envoyer la batterie sur ton piano, pourquoi pas? Est-ce que tu as une batterie sur ton clavier? Tu peux lancer, hein? Ah, ça y est, j'entends ta guitare. Moi, tu m'entends? Ouais. Là, j'ai entendu ce que tu as joué tout à l'heure. Est-ce que moi, tu m'entends déjà? Là, tu l'as pas sélectionné ton micro. Ah, là j'entends ton micro. Tu t'es entendu là?